C'est moi plus fort, je ne sens plus ton corps. Le soleil s'est couché dans la mer glacée. C'est moi contre toi, je ne sens plus tes bras. Notre navire boit le soleil.